Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. On peut commencer. Attends, c'est quoi le problème? C'est toi qui l'engueule, non? Ah, j'ai subi tous les coups, vous pouvez pas savoir. Donc c'est une femme que c'est son papa a deux femmes. C'est cette femme, son papa a deux femmes. Vous savez, il faut le foyer pour le gamin, vous pouvez savoir, en Afrique, c'est terrible. Et là, ça c'est la coépouse de sa maman qui la possède. Avec toute une réunion. Toute une réunion. Une seule, l'autre seule, l'autre seule. Regardez. Libéré par un, regardez. Emily. Un groupe est sorti. Donc, vous savez, vous voyez, elle a une des robes, ça c'est la première réunion. Il y a un malin. Lève-toi, tu es libre. Elle a les crachats. Observez maintenant. Je veux que vous montrez ce que vous voici. Voici une autre avec différentes catégories. En fait, c'est même sa belle famille que je joue. Et puis, ici, le mari des nuits. Observez le mari des nuits, c'est observé. Elle ne sait pas. Donc, quelqu'un en même temps, le lion en courage. C'est le mari des nuits. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment il cohabite là-dedans. Chacun son. Je vois encore. maintenant toi, tu as fort à faire. Prends-le si j'ai eu. Prends-le. Tu pensais te cacher, non? Tu pensais te cacher. Jésus t'a localisé. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, le Jésus, c'est le plus subtil de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Esprit impur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte sa poitrine. Toi c'est qui? Tu pensais te cacher, n'est-ce pas? Jésus Christ est Seigneur. Quitte sa poitrine. Non. Il dit quitte sa poitrine. Non. Il t'ordonne de quitter sa poitrine. Non. Jésus Christ est Seigneur dans son corps. Maintenant quitte sa poitrine. Non. Quitte sa poitrine. Non. Je t'ordonne au nom de Jésus Christ de quitter sa poitrine. C'est terminé pour toi. Qui es-tu? Marie de nuit. Elle n'est pas mariée à toi. Elle t'appartient pas. Elle n'est pas mariée avec toi. Voilà ton mari là-bas. Son mari a été regardé. Quitte la vie et sa femme est dedans. Aïe. Donc celui-ci t'oppresse. Il se moque même de toi. Quitte son corps maintenant. Elle n'est pas mariée à toi. Alors quand la femme agit comme ça, vous pensez qu'elle est un homme. Vous savez physiquement, dans le physique, un peu comme un homme. Alors que normalement, c'est la personne qui est à l'intérieur qui allait agir. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, vous mari de nuit, quitte cette femme. Votre mariage s'arrête aujourd'hui ici. Quitte sa vie dedans. Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? C'est toi qui l'as épousé. Tu ne dois plus toucher à son mari. Ils seront deux sur le lit. Toi, tu es exclu maintenant. Sors! C'est d'abord qui t'a mis, c'est son mari qui va amener ce coup de délire. Il va amener son mari, il va te toucher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la vie de cette femme, tu ne dois plus agir dans son cœur. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Sors! Toi, esprit impur, esprit de ténèbres, esprit incul, sors! Il a pu manipuler sa vie. Ni la vie de son mari, les entités de son mari, tu es tant qu'il a pu l'adresse, c'est terminé aujourd'hui. Sors! je ne sais pas si on t'a confisqué, c'est là quelque chose que, qui est précieux. Mmh. Mais il devait te faire perdre ceci. Mmh. Donc, vous faites quelque chose vous, dans lequel vous injectez de l'argent. Mmh. Vous allez vous injecter de l'argent, vous croyez que vous devez espérer, vous asseyez, vous faites des calculs. Mais ces choses-là, il y a échec. Mmh. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous savez, c'est parce que la personne mmh. c'est responsable. Mmh. Sors mmh. Sors mmh. Sors mmh. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as payé sa dot. Sors! Sors! Puissance des ténèbres. Puissance des ténèbres. Sors! Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Mais avec ça, on disait à Dieu, non. Oui, non. Pas à l'église, non. Qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure ici? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors! Vomis ça, vomis ça. Sors ça! Sors ça! Allez, sors! Sors, vomis ça, vomis ça. Vomis ça, vomis, vomis. Vomis, vomis ça. Allez, sors! Terminé. Jésus-Christ de Nazareth. elle ne t'appartient plus. Ton alliance avec elle est brisée. Ton alliance avec elle est brisée. Au nom de Jésus de Nazareth. Terminé.

Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. On nettoie bien la maison, n'est-ce pas? Faut qu'on nettoie bien la maison. Et la chambre où vous avez dit? On est prêt comme ça, là. C'est pas la chambre qui veut. Mais il y a quelque chose dans la chambre. Non, c'est pas dans la chambre, c'est la chambre. Bon, mais là où on est là-bas, il y a rien. Non, non, non, vous inquiétez pas. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Fait dans votre vie, vous voyez cette femme là, son mari est là, et quand vous parlez, le Saint-Esprit parle, la chose est enlevée. Il sait de quoi il est question. Le Seigneur Christ, la puissance est disponible pour vous, d'accord? Tu veux prêcher, tu vas prier, d'accord? Et un frère Jésus, tu avais dit que tu es un prédicateur, non? Ça va, ça va, quoi ça? Dans le futur. Dans le futur, comment? Pourquoi on veut le prédicateur du présent? Les gens peuvent être possédés une grâce du Seigneur Jésus-Christ, et quoi que c'est mieux de pousser la table, c'est pour que vous ne soyez pas comme ça, comme les poissons. Occupe-toi comme ça. Viens ici, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous êtes venus nombreux parce que vous avez entendu, vous avez apporté même les, amené même les vôtres, parce que vous avez entendu, c'est aujourd'hui les jours des jours. La guérison totale. La guérison totale. Complète. Jésus-Christ. Donc chacun veut sa part, n'est-ce pas? C'est une grâce d'être délivré de ces esprits-ci. Parce que sans ces esprits sortant de votre vie, vous montez, vous descendez, vous allez tourner en rond. Et beaucoup de personnes, comme elle venait, ne savait pas ce qui se passe, elle chante les cantiques. Elle lit la Bible, son mari, lui, ne va pas à l'église, comme on dit. Mais elle est plus possédée même que son mari. C'est une grâce d'être libérée. Et les gens qui sont mariés particulièrement, et les filles ont particulièrement ce qu'on appelle l'esprit, les couches de nuit, les esprits, vous appelez les succubes, les maris de nuit. C'est les esprits les plus violents. C'est ça qui crée les tensions dans le mariage ou autre. Et ceci, bon, ne sont même son cas. Alors je vais dire ce soir que tout est possible à celui qui croit. Amen. Prenons la Bible, disons quelque chose. Asseyez-vous donc. Dimanche, venez à partir de 16h, on commence tout, on prie bien. Parce que je suis sous pression. La commission de regarder l'heure de la radio, ça me met sous pression. Pourtant, je veux souhaiter qu'on passe le temps dans la prière. Donc dimanche, venez 16h, soyez déjà là. Comme ça, on prie. On a le temps, à 16h, on a le temps de les prier. Et pour que vous rentrez, pour vous préparer pour le travail de lundi, n'est-ce pas? Alors, je vais dire ceci soir, tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur, ça. En tant qu'être humain, je suis exactement comme vous. Aucune puissance. Aucune puissance. Donc, je suis aussi faible que vous l'êtes, chacun de nous ici. Mais voici la différence entre vous et moi, c'est que j'essaie de faire confiance et m'abandonner entre les mains du Seigneur. C'est tout. Voilà la différence entre vous et moi. je sais faire, lui faire confiance, c'est-à-dire que m'abandonner entre ses mains, les facultés. Vous savez que si je vais porter cette table-ci, je vais me mettre avec la force proportionnelle. Si je vais porter cette table-ci, selon le poids de cette table-ci, je vais exercer une force proportionnelle. Je m'avance vers un sac de ciment qui pèse 50 kg. Si je vais exercer la façon que je vais réagir avec ma force, ce n'est pas la même chose par rapport à ça. Je vais encore augmenter des forces. Vous savez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Si je vais avec quelque chose qui est 150 kg, avant, en voyant cette chose-là, je sais que je ne peux pas. Quand je vais exercer un peu comme ça, je ne marcherai pas. Comment donc faire pour porter ce qui est 150 kg sans ta propre force? Il faut que quelqu'un d'autre te soutienne. Il faut que quelqu'un d'autre te soutienne pour que vous portez la chose ensemble. Chez les satanistes, on a dans la présentation, vous voyez quelqu'un fait quelque chose comme ça. Et vous appelez, ils peuvent soulever le verre, ou bien faire bouger le verre. Ils font des choses, et le verre peut-être s'élève ou n'importe quoi s'élève ou quelque chose s'élève. Ça, c'est chez Satan. Maintenant, si un Satan peut soulever cela sans toucher, à comment plus fort raison Dieu qui est le Tout-Puissant. Ça veut dire quoi? Quelle qu'en soit la situation qui est latente dans nos vies, Dieu peut soulever cela en un clin d'œil. D'accord? Allons dans le livre d'Hébreux. On voit le livre d'Hébreux. Ça, c'est la Bible qui ça. Bon, permettez-moi de prêcher avec ceci. Hébreux. Que Dieu bénisse. Donc, en clair, je n'ai aucune puissance. Mais je connais celui qui est puissant. En clair, je n'ai aucune puissance. Mais je connais celui qui est puissant. Prenons le chapitre 4 d'Hébreux. Ceux qui ont ma Bible, le style de Bible que j'ai entre les mains, c'est la page 1219. Je pense que vous avez ce style de Bible ici. Et si vous avez le même style de Bible avec quelqu'un de lui, c'est tout simplement la page. Quand c'est les prières pour les guérisons comme ça, si étant terminant de commencer à enseigner seulement maintenant, les gens vont sortir ici en rentrant, vont faire tchou. Qu'il avait dit que c'était pour la prière pour les malades, la prière pour ceci. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Mais depuis, même si c'est dû ici en parlant, on va commencer à me dire que non. On avait dit que c'était la prière, je dis non. Mais la prière ne consiste pas dans le bavardage. La prière ne consiste pas dans le bavardage. Et d'ailleurs, vous en allez, quelqu'un dit que j'ai prié beaucoup, je prie trop, ça rien ne marche. C'est pas parce que tu ne. C'est parce qu'en réalité, tu ne pries pas la prière. Vous allez voir, les gens disent, j'ai prié trop, rien ne change, ça ne semble pas bouger. C'est pas cela. Les deux choses, l'une, soit tu n'es pas dans la dimension de prière, soit tu bavardes. Quand vous bavardez, ça ne changera rien. Prenons, supposons qu'il y a une mouche qui est déposée là sur votre repas. Vous dites, il y a une mouche qui dépose mon repas. Il y a une mouche qui dépose mon repas. Il y a une mouche qui dépose mon repas. Ça change la mouche. Ça change la mouche. Qu'est-ce que vous allez faire? Cette mouche, tu fais quoi ici? À l'instant, avant qu'on ait eu la main, la mouche est partie. Pas vrai? Là, vous avez chassé la mouche. Bavarder que la mouche est là, c'est plein, ça ne change pas la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire pour chasser cette mouche-ci? Deux volets. Il faut que je regarde de mon côté si j'ai un problème avec Dieu. Il faut que je vous parle de ces choses avant qu'on avance dans la prière. Il faut que je regarde de mon côté si j'ai un problème avec Dieu. Parce que la Bible déclare, dans Isaïe 59, verset 1 à 4, que non, les oreilles de Dieu ne sont pas dues pour entendre, ni sa main courte pour sauver. C'est son vœu qui crée un barrière entre lui et nous. Donc ça veut dire qu'il se pourrait que tu veux appeler ce Dieu-là, tu as la barrière. Vous savez, vous chantez, appelle, il te répondra, il ne répond pas toujours. Il ne répond pas toujours. Il aura l'oreille écoutée et la voix, les regards sur ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et qui s'éloigne des iniquités, d'accord? Alors la Bible déclare, dans ce livre des Esprits, que sa main n'est pas assez courte pour sauver. Donc ça veut dire que normalement, est-ce qu'il peut s'allonger ça à tout moment? Il dit, mais qu'est-ce qui crée le problème? Pourquoi il n'arrange pas la main ou bien il n'écoute pas? C'est parce que vos mains sont chargées de sang. Vos lèvres profèrent le mensonge. Un chrétien ment en disant que Dieu va comprendre et plus de deux minutes plus tard, quand il a voulu l'invoquer ce Dieu-là, pourtant il venait de mentir. Un chrétien vit avec le faux âge de naissance, faux âge, mais après il dit, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, tu es pur, tu es saint. Et il dit, soyez saint dans toute votre conduite. C'est pour ça que vous comprenez. Après il va se plaindre que quand il invoque ce Dieu-là, il ne répond pas. C'est pour ça que vous me saisissez ici. Alors, des deux choses l'une, donc il faut regarder si on a le problème de notre côté. Si on a le problème de notre côté, ça se passe que Dieu nous reproche quelque chose. Allons d'abord retirer d'abord ces choses-là devant lui. Si vous allez noter Marc chapitre 11, de verset 23 à 26. On parle rapidement, on fait. Je vais vous mettre sous cette tension-là. Et dimanche, on va vous secouer. C'est ce qu'on peut faire. Je vais vous mettre sous cette tension. Et dimanche, et on va vous secouer. Est-ce que vous comprenez ce que vous allez mettre sous cette tension? De toute façon, vous voulez fuir même dimanche. Lorsqu'on va prier ici, vous allez même là-bas, ça va vous secouer. En Marc chapitre 11, verset 23 à 26. Notez cela. On va y arriver. Quoi, on parle, on va y parler. Je veux qu'on comprenne ces choses, qu'il faut enlever certaines choses. Dans celui de Marc, il dit que, et si vous êtes debout faisant votre prière, si vous souvenez que vous avez fait quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Le Seigneur Jésus parle, après, dans celui de Marc là, il avait fait transformer, quoi, maudit un figuier. Ça a séché instantanément. Les disciples ont dit, waouh, comment Jésus ne parlait où on amène là-bas, où mettre quelque chose là-bas. Il a seulement dit que jamais personne ne mange des figuiers. Quand ils sont partis dans le temps en passant, les disciples ont remarqué que ça a séché jusqu'à la racine. Mais Seigneur, regarde, le figuier que tu as maudit, il dit que ayez foi en Dieu. Mais ce que le Saint-Esprit nous dit là-bas, c'est que ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est tu dis quelque chose sans s'inquiéter de ce que tu vois. Tu dis quelque chose sans s'inquiéter de ce que tu vois, c'est la réalité. Peut-être, j'ai par exemple manque de nourriture à la maison. Je dis que le Seigneur est mon aide. Le Seigneur, j'ai la nourriture, mais pourtant vous avez là le manque. Alors il dit. Plus jamais personne ne mange des figuiers, c'est tout, ça sèche. Ça se trouve, c'est ici. Alors il a dit à ses disciples que si vous avez la foi, vous direz à ne pas que ce montagne, c'est l'autre et jette-toi. Donc il veut dire que le problème n'est pas l'obstacle, le problème c'est vous. Le Seigneur dit, la limite d'un obstacle à être ôté, ce n'est pas l'obstacle, c'est non. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, ça sera fait selon ta parole. Mais il dit que si vous priez, vous croyez ce que vous avez reçu, croyez que vous l'avez reçu. J'ai une douleur. Au nom de Jésus de Nazareth, sois guéri. Après tout ça. Et ça n'a pas marché. Non, c'est pas ça la foi. C'est pas ce que vous comprenez. Il dit que si vous priez, croyez que vous l'avez reçu, pas que vous allez le recevoir. Que je sens que quand on va prier là, je vais guérir. Non. La femme de la santé a dit, la paix de sang a dit que si elle touche son vêtement, ça sera réglé. Elle a touché son vêtement, c'était réglé parce qu'elle savait là où elle allait. Vous suivez ça? Et alors il dit, si vous priez, croyez que vous l'avez, pas que vous allez. Je ne sais pas où elle est vraiment le verbe. Croyez que vous l'avez reçu et vous verrez. Donc il faut d'abord croire avant de voir. Pas que si je vois maintenant que mon pied marche, je vais savoir que tu es Seigneur. Ce qui va dire que pour que tu saches que tu es Seigneur, crois que tu n'as pas encore. Tu dois d'abord croire. Vous suivez? Arrête ça, garçon. Alors, dans cet Isaïe 59, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver ni ses erreurs, Dieu pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mènent une séparation entre vous et Dieu. Vos lèvres pour faire le mensonge, vos mains sont chargées de crimes, vos pieds courent au mal. Il dit, c'est ça qui crée problème. Chaque fois, quand vous lisez chez ces versets, il a parlé des bouches, des lèvres, il a parlé des mains qui sont sur le sang, des pieds qui courent au mal. Nous ne sommes plus avec justice. Alors la question c'est, qu'est-ce qui sort de nos bouches chaque fois? Quand nous tendons la main pour faire quelque chose, est-ce que ce sont des choses de l'iniquité? Quand nous allons quelque part, est-ce que nous participons au mal? Et l'homme est sur la terre, on dit, ne va plus à tel endroit, ça ne veut pas dire, où est le mal à cela? Il part avec ses pieds. Dieu dit que tes pieds courent au mal. Et puis plus tard, tu vas venir l'invoquer, il ne peut pas le voir. Vous me suivez, n'est-ce pas? Hébreu, chapitre 4. Vous avez noté chapitre 4? Notez sur le chapitre 11. Le chapitre 11, le verset 6. Le chapitre 11. Il veut dire d'abord ce verset 6 là. Regardez ce qu'il dit là. Hébreu chapitre 11, verset 6. Il dit, or, vous y êtes mes frères. Hébreu chapitre 11, verset 6. Après, on va revenir au chapitre 4. C'est la façon que ta Bible est collée comme ça dans Hébreu. Ça se trouve, tu n'as plus jamais lu ça depuis longtemps. Tu as deux Bibles. Ok. Or, sans la foi, vous y êtes, regardez-moi ce que je viens de dire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Écoutez très attentivement. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce que le Seigneur veut dire ici, ne viens pas devant lui prier sans la foi. Si tu pries sans la foi, tu es en train de le tenter. C'est ce que le verset nous dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, s'il veut prier, je ne crois pas que j'ai ce que je vais demander. Du choix de les tenter, Dieu, donc ça vaut pas la peine de prier. C'est la miséricorde de Dieu seulement. S'il appliquait ses règles de façon rigoureuse comme l'Ancien Testament, c'est que beaucoup de croyants sont morts. Quelqu'un se met à jeûner en priant, Seigneur, merci pour la guérison. J'ai le mal de ce moment. Mais je sais que tu vas me guérir. Après, il sort là-bas. Deux jours après, il vient dire non. Après, il se plaint à un être humain que j'ai prié, Dieu n'a pas exaucé. Alors l'être humain va faire quoi? Si tu as prié à Dieu qui résout le problème. Il n'a pas exaucé. Comme tu dis, quoi, qu'est-ce que l'homme a fait, l'homme à qui tu parles? Donc, si tu veux dire que Je passe au moins par cet homme, c'est pour avoir la solution. Maintenant, regardez, il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, la foi ici, ce n'est pas la foi dans ta guérison. Non. Ce n'est pas la foi dans ta guérison. Ce n'est pas la foi dans ce que tu vas avoir. C'est la foi de Dieu qu'il accomplit ce qu'il dit qu'il accomplit. Tu dois croire ça. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu fasse quoi? Donc s'il m'approche de Dieu, première condition, je crois qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand pas de rémunération, ça veut dire que tu fais un travail, on te donne. Donc comme je vais vers Dieu, je sais que je sors avec la chose. Vous suivez cela? Bien ton voisin, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Même à toi. Même à toi. Donc ce soir, même si n'importe quel événement, le blocage, ce n'est pas moi, ce n'est pas Jésus, c'est vous. Et vous. Donc, je vous ai dit qu'aucune puissance, il n'y a aucune puissance. Il n'y a pas quelque chose qui veut dire que ce rythme-ci, là, il faut qu'il touche là, au loin de ça, ici. Non, non, non, non. Que l'autre, à ce niveau, il faut utiliser telle chose. Non, non, non, non. Je me tiens devant vous comme ça, simple mortel. J'attends seulement m'abandonner entre ses mains. Dans quelques instants, je vais m'abandonner entre ses mains et puisse-t-il entrer en action. C'est tout ce que je sais faire. Il faut que vos facultés soient abandonnées également entre ses mains. Alors, il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Première condition. Et que, enfin, si on pose la question, si tu crois que Dieu existe, tu vas dire quelle question? Mais je suis en train de réitérer celle-ci. Il dit, et qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent? C'est ça, frère? Amen. Dans maintenant au chapitre 4, versets 14 à 16. Chapitre 4. Versets 14 à 16. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse, qu'il honore votre foi. Maintenant, regardez. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Donc, si vous dites que Jésus-Christ est un guérisseur, demeurez ferme. Si vous dites que Jésus-Christ est votre sauveur, demeurez ferme. Une fois que vous dites qu'il sauve aujourd'hui, demeurez vous douter. Une fois que vous dites qu'aujourd'hui, Jésus m'a guéri, demeurez vous douter. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous disons que nous avons. Professeur, ça veut dire qu'on parle de la bouche, que Jésus est un sauveur, Jésus est le sauveur, il est le guérisseur. Demain, vous cherchez le marabout, ça se passe que tu n'es pas ferme dans la foi. Ça se passe ici. Puis il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Donc, quelle que soit la faiblesse, il sait de quoi il est question. Il dit, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Donc, lui là, il a subi le même temps, c'est le même pire que nous, mais lui, la différence entre nous et lui, c'est qu'il n'a pas commis de péché. Nous pouvons commettre le péché, donc mais il connaît notre faiblesse. Puis verset 16 dit, maintenant, approchons-nous donc, avec ces considérations-ci, approchons-nous donc avec quoi? Assurance. Tout le temps, quelqu'un te demande, est-ce que tu es sûr que tu t'approches de la bonne façon alors? C'est ce qu'il dit, approchons-nous donc avec assurance. Où ça? On a appelé ici, là, on s'approche. Pas du trône de jugement. Donc ne va pas devant lui pour être jugé. Mais pour obtenir plutôt la grâce. Donc le trône où coule la grâce. Ça veut dire qu'en haut il a parlé de faiblesse. Dans cette transition, il y va, il connaît notre faiblesse, il nous fait grâce. C'est-à-dire que la faveur qu'on ne mérite pas. C'est ça le parent. Puis il dit, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru. Alors demande à quel point, quel est ton besoin? Vous avez des besoins, frère. Sinon, vous ne pouvez pas venir ici là-même. Vous n'avez pas besoin des autres personnes que venez. Il est afin d'être secouru dans nos besoins. Donc, Dieu est dans nos besoins. Ce soldat, il attend qu'on s'approche vers lui. Mais il a dit qu'il y a des conditions de prédiquer. Il faut qu'on y va. Un, on montre les choses sur notre cœur. Il y a des hordes, ce qu'on appelle en anglais hordes, des barrières, des choses qui nous créent blocage. Autant cela avant de s'approcher. Parce qu'il est seul. D'accord. Vous n'avez pas besoin de vous sanctifier, il suffit de confesser, c'est terminé. Confesser, abandonner, c'est terminé. Vous avez quelqu'un sur le pied, vous avez dit, je ne pardonne jamais à cette personne. À cet instant, vous avez depuis le jour, vous avez dit ça, vous avez abandonné Dieu là. Donc, aucune de vos prières à partir de ce jour-là ne peut plus jamais être entendue. C'est terrible, pas vrai? Souvenez-vous de ceci. Vous manquez de pardonner quelqu'un. Vous l'attachez dans votre cœur, vous avez attaché votre destinée, toute votre famille. Souvenez-vous de cela. Pardonnez nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si nous ne pardonnons pas nos offenses, notre Père ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Dans le jour où tu as manqué de pardonner, le jour là, tes péchés, tout le péché que tu commets à partir de cet instant là, c'est accumulé contre toi. Dis à ton voisin, donc pardonne. pardonne. Même si on t'a fait quoi, pardon. Même si on t'a fait quoi, pardon. Détache les gens de ton cœur. Détache les gens de ton cœur. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit que lorsque vous êtes debout, vous voulez faire une prière. Il dit que n'ouvre pas la bouche pour parler tant que tu n'as pas pardonné. Et si tu te souviens que tu as un problème avec quelqu'un, dépose d'abord là. Rentre d'abord, résous le problème. C'est ça que vous comprenez. Alors si vous avez des choses, des gens sur lesquels on n'a pas pardonné, pardonnez maintenant. Si il y a des gens à appeler, après ceci, appelez maintenant. Pardonnez d'abord. Détachez votre destinée. Pour que rien ne vienne faire obstacle. D'accord? Pour que rien ne vienne faire obstacle. Il n'y a pas quoi que ce soit qu'un être humain puisse vous faire sur cette terre si vous ne voulez pas pardonner. D'accord? Avant de lire du Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, rapidement. Suivez le temps. Je crois que toi, tu as même l'idée que tu es là. 19h22. Bon, suivez le temps. J'ai dit quel livre là maintenant. Matthieu chapitre 18. Allons-y là. Est-ce que vous avez maintenant? Qu'est-ce que tu as là-bas? Matthieu chapitre 18. Disons à partir du verset 21 de Matthieu 18. Donc, quand j'entends dans mon esprit tel passage, on y va seulement. On voit ce qui est écrit. On y va. Je vais à partir du verset 21. Je veux que pendant que je descends les livres, vous suivez dans votre Bible. Déjà, le témoignage de l'écriture, ce que vous écoutez maintenant, est déjà une partie de la guérison et de ce que vous cherchez. Amen. Il dit, mais ce que vous suivez là maintenant. Il y a des gens qui souhaiteraient seulement suivre que j'ai la maîtrise sur le cœur, j'ai la maîtrise sur le cœur, tu as la maîtrise sur le cœur. Si ça vous dépasse de pardonner, restez devant Dieu dans le jeûne de la prière, c'est ce qu'il a sur votre cœur. C'est ce que vous regardez la personne avec amour. Si ce n'est pas à cette condition, la façon dont vous regardez la personne, sache que Dieu vous regarde de la même façon. Parce qu'il a dit que vous, on va vous mettre dans la même coco où je vais mettre les gens. Il va pour vous sera démoni, il va secouer. Maintenant, verset 21 du chapitre 18 de Matthieu. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Après, il donne maintenant la parabole du royaume. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Ça, vous comprenez ce que Jésus a dit. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Et mis de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, baisse ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre, le suppliait disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Mais ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Vous avez su ça, frère ? Puis, écoutez, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Puis, au verset 35, donc, il conclut, c'est ainsi, donc de cette façon-ci, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère, comment? Comment, frère? De tout son cœur. N'est-ce pas la Bible, ça? Souvenez-vous, la personne qui parle, c'est celui qu'on va confronter en jugement. La personne qui parle, là, dans cette parabole, c'est celui qu'on va confronter en jugement. Alors, il en est de prendre ici son exemple et l'exemple de l'être humain. Il dit, vous n'avez rien pour payer pour votre péché. Il t'a pardonné. Alors, quand tu dis, ah Seigneur, un seul mensonge que tu dis, une seule fornication est suffisant pour que tu passes l'éternité en enfer. Il dit, une seule fornication, un seul mensonge. C'est-à-dire que, tu es ici, ce frère-ci est dans la chambre. Environ, on te demande, où est le frère et tu dis qu'il n'est pas là. La personne partira tranquille, tu oublies que tu as dit cela. Ces mensonges-là est suffisant que tu passes l'éternité en enfer. Ça, tu fais seulement pas seulement ça. Tu fais ça, tu fais d'autres péchés. Tout ça, pardon. Maintenant, celui-ci, il doit de l'argent. Ou bien, un autre chose, il avait fait quelque chose. Pour rien au monde, je ne parle plus jamais à Christ Victoire. Une seule fois qu'il t'a fait. Dieu dit, tu dois pardonner. Baissons la tête, demandons pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait. Parlons au Seigneur. Nous avons vu dans cet Ésaïe chapitre 59, quand nous avons vu que tout ce que nous avons à faire, c'est demander pardon au Seigneur parce que ce sont des obstacles à nos prières. Il a dit que toutefois, quand nous invoquons, il ne nous répond pas, c'est parce que, c'est pas parce que ses oreilles sont dures, non. C'est parce que nous avons des problèmes entre lui et moi. C'est ce qu'il a dit. Il dit qu'on a des oreilles, on a des choses qui se passent dans nos vies. On a des mensonges, des péchés. Demandez pardon à Dieu pour cela. Pour le Seigneur qui pardonne. Vous savez exactement ce qui est sur votre cœur. Souvenez-vous, surtout si vous avez quelque chose contre quelqu'un, daignez pardonner à cette personne-là maintenant. Pour que l'obstacle soit ôté. Si vous avez quelqu'un à qui vous avez dit que pour rien au moins je ne lui pardonnerai, vous ferez me demander pardon maintenant et pardonner la personne. Et que le Seigneur vous aide à ôter cette chose-là sur votre cœur. Priez. Seigneur, tu connais chaque cœur ici, tu connais chaque besoin, tu connais les fardeaux qui sont attachés dans les cœurs. Tu connais, Dieu de gloire, tout ce que les gens ont attaché dans leur cœur, dans leur vie. Tu connais tous ceux ici qui sont captifs d'un péché comme d'un autre. La Bible déclare que tu es notre souverain, c'est quelqu'un qui participe et nous soutient dans nos faiblesses. Viens nous soutenir dans nos faiblesses, Père, et pardonne nos iniquités. Souvenez-vous, vous n'avez pas toléré les péchés. Vous connaissez les péchés. Pendant que vous priez, le Saint-Esprit vous met le péché sur le cœur. Confessez-lui. Là où vous êtes faible, présentez-le lui. Il est connu. Présentez-le lui. Il a dit, si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie. Cherche ma face, prie. C'est guéri de ses mauvaises voies. Dieu de ceux, je l'exaucerai, je le guérirai. Je guérirai son pays. Priez. Vérifiez dans vos cœurs que vous n'avez pas gardé quelqu'un sur le cœur. Peut-être vous avez vécu quelque part, on vous a menacé, on vous a chassé dehors. Peut-être vous pouvez m'écouter maintenant, je ne sais pas quelle est votre position. Vous pouvez m'écouter maintenant et que votre père même vous a violé. Vous pouvez m'écouter maintenant et que vos frères vous ont violé. Vous avez gardé ça en vous. Personne ne connaît, mais Dieu connaît. Vous lui avez gardé dans. Mais Jésus-Christ de Nazareth te demande de pardonner. Tu dois pardonner. Peut-être ton père a voulu même te tuer plusieurs fois. Mais Dieu connaît tout cela. Et tu as décidé de ne pas lui pardonner. Tu dois pardonner. Peut-être ta femme ou ton mari t'a trompé. Et tu connais cela. Même avec ton ami le plus intime. Et tu connais cela. Tu as décidé de ne pas lui pardonner. Tu dois pardonner. C'est ainsi par le Seigneur. Pour que tu avances, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. C'est une obligation. Parce que ta vie en dépend. Ta vie en dépend, ta relation avec le Seigneur en dépend. Tu dois pardonner. Pardonne. Peut-être tu es dans une autre situation qui t'angoisse. Tu essaies de pardonner à une personne, tu ne parviens pas à pardonner. C'est le moment. Demande au Seigneur de venir au secours et de nettoyer ton cœur. Te donner un cœur nouveau. Un cœur qui aime, qui peut pardonner. Parce qu'il a dit ici que c'est ainsi que mon Père Céleste traitera chacun de vous si vous ne vous pardonnez pas les uns les autres de tout votre cœur. Donc tout ton cœur doit être expié, nettoyé, toutes ces choses. Peut-être que tu es ici, on a bouffé ton argent, t'as envoyé même en prison. Peut-être qu'on t'a envoyé, t'es maltraité, on t'a même accusé faussement de ce que tu ne reconnaissais pas. Et tout le monde a mis le propre sur ton nom. Mais Jésus-Christ est Seigneur, il connaît la vérité. Tu dois pardonner. Peut-être que tu étais quelque part, on a pris ton argent. On a fait fréquenter les gens, on a fait envoyer les autres à l'école ou bien faire nourrir d'autres personnes dans une maison et toi ne te nourrissais pas comme il fallait parce que tu n'as pas de parents ainsi. Et tu as dit dans ton cœur, quand je vais avoir l'argent, je vais le montrer. Ce n'est pas l'attitude. Dieu t'a fait passer par là pour que tu comprennes l'importance de donner et soutenir les faibles. Tu dois pardonner. Pardon. Tu peux avoir subi n'importe quelle injustice, même pour contre le pays. Peut-être le pays t'opprime au point où tu ne parles pas à t'en sortir, tu dois pardonner. Et tu as la colère en toi et le ressentiment. Tu dois pardonner. Pardon. Libère ton cœur, libère ton âme. Peut-être quand tu étais petit, on t'a tellement maltraité que les séquelles, quand tu penses, tu pleures chaque fois. Tu dois pardonner parce que ce sont les obstacles pour ta vie. Les choses du passé, que ça reste dans le passé, toi avance en détachant cela. Pardonne et grandis dans la foi. Grandis avec le Seigneur Jésus-Christ. Va au-delà de cela. Pardonne. pardon, parce que le pardon est lié à l'amour. Et ces deux-là sont les bases même de notre royaume. Pardon. Si tu veux marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, sans avoir des cauchemars, parce que ta destinée est attachée à la qualité de pardon et à la qualité de l'amour que tu portes pour tes ennemis. Avance avec cela. Pardon. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bienveillance. Merci Père pour ta bienveillance. Que ton nom se soit glorifié. Que ton nom se soit exalté. Que ton nom se soit magnifié. Merci parce que tu étends ta main de grâce, Père de gloire. Merci Père de gloire parce que tu essuies les larmes. Ma soeur, mon frère, tu ne pleures pas pour rien. C'est le Saint-Esprit pour montrer qu'il indique dans ta vie, dans ton cœur, ces choses-là. Que chacune goutte de ces larmes qui coule de tes yeux, ma soeur, de mon frère, que Dieu s'en souvienne. Pardonne véritablement. Et détoche ta langue. Oui, vous avez assez souffert en portant ce fardeau. C'est le moment de décharger maintenant sur lui. Décharger sur lui parce que c'est lui le porteur du fardeau. C'est lui, il n'a pas demandé que vous portiez du fardeau pour vous-même. Non. Il a dit que si vous êtes fatigué de ces choses-là, déchargez sur lui. Il a été maltraité, injuré. Étant Dieu, il s'est tenu là, les faux témoins étaient contre lui pour témoigner devant lui. Il pouvait se justifier, aveuglé, il ne l'a pas fait. Il s'est soumis à la volonté du Père. Le voilà maintenant qui te demande aussi que tu dois faire autant. Pardonne, quel qu'en soit ce qui est arrivé dans ta vie, tu dois pardonner, c'est une obligation. C'est une obligation, vous devrez pardonner. Ainsi parle le Seigneur. Vous devez pardonner. Et vous pardonnez de la bonne façon, vous allez voir la joie du Seigneur venir sur votre cœur. La paix du Seigneur inonder votre âme. Père, souviens-toi de ces larmes et de tous ceux-là qui nous écoutent dans le monde entier. Souviens-toi, ô Dieu de gloire, de leurs larmes. Souviens-toi de leur oppression. Et daigne pardonner, ô Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta destinée soit détachée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors que tu pardonnes, que ta destinée soit détachée. Et que toute personne qui était oppressée sous le coup, alors que le limite avait poussé à l'attacher, que cette personne soit libérée au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Quelqu'un t'a-t-il dit des paroles blessantes que tu gardes dans ton âme? Et chaque fois quand tu entends le nom de la personne, tu te souviens de cette parole blessante qui a tranché ton âme. Oh, la Bible déclare que la langue, personne ne peut la contrôler. C'est pour cela que cette personne a été utilisée par l'ennemi avec sa langue. La langue blesse, ça blesse l'âme, c'est vrai. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. On te chosifie peut-être. On t'a amoindri avec la langue. Tu habitais quelque part, ou tu travailles quelque part, on te maltraite, on dit des paroles grossières contre toi. On t'insulte pour rien. On te minimise. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. C'est une obligation. Peut-être tu fais des choses, ton mari ne comprend même pas ce que tu veux faire. Ou ta femme ne saisit pas, ne t'avait pas saisi. Tu es incompris. Tu es incompris. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Parce que ta vie en dépend. Tu dois pardonner. Et que la guérison vienne dans ton âme. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Oui. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Il a dit pardonne nos offenses, on nous pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne. Pardonne. Tu dois pardonner. Pardonne à cette personne qui t'a offensé. Pardonne à ton père. Pardonne à ton parrain. Pardonne à tes parents. Pardonne-les. Peut-être que si tu reproches même à Dieu de t'avoir mis dans une famille de pauvreté, que tu pries, les choses n'arrivent pas. Quand on t'a mis dans des situations où tu ne t'attendais pas, ce n'est pas toi qui mérites cette situation. Tu te poses la question pourquoi ça t'arrive à toi. Ce n'est pas la question qu'il faut poser. La question qu'il faut poser, c'est qu'est-ce que Dieu veut derrière cela? Tu dois pardonner. Pardonner. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit invoqué dans ta vie et qu'il impose son nom lui-même dans ton esprit et dans ton âme. Que sa paix parcourt ton être maintenant. Que sa paix parcourt ton être maintenant. Et que tout obstacle à ta foi soit enlevé maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom se soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Faites entrer les deux personnes qui sont dehors la tête. Ceux qui sont dehors, faites-le entrer. On va continuer. Et suivez vos larmes et suivez-la et restez vraiment tranquille. Quoi? Vous êtes à l'aise là? Je crois qu'il y a deux minutes là pour que ceux qui sont dehors, vous n'assurez pas pour eux. Si, parce que là devant c'est saturé. Poussez le rideau comme ça. Vous savez pas ici. Si vous voulez entrer, vous pouvez rester dehors. Là où vous serrez. Vous voulez vous serrer encore. Ils sont deux. Donc là dehors également, souvenez-vous de cela. La distance n'est pas une barrière pour le Seigneur. Souvenez-vous. On peut avancer maintenant. Comment vous vous sentez maintenant avec cela? Vous vous sentez comment vous? Vous avez pardonné, pas vrai? Vous voyez ce que ça peut amener sur le cœur? Maintenant, ouvrons et il dit tout ce que j'essaie de faire, c'est vous amener devant lui. Ouvrons et fait Philippiens. Ouvrons Philippiens. Nous disons bénisse. Philippiens. Donc, si vous êtes à côté de quelqu'un, montrez-lui rapidement pour qu'on avance. Philippiens au chapitre 4. Philippiens le chapitre 4. Philippiens au chapitre 4. Je crois que tu dois en bien, bien, bien. Merci Seigneur, toi. Il y a une personne, oui, deux personnes de celui-ci, ah, parce que le Seigneur a quelque chose pour toi, toi, oui. Fais-le que ça soit là. Donc, bien, voilà. Que Dieu te bénisse. Et cet homme-là. Philippiens chapitre 4. On y va. Je vais lire le verset 6 et le verset 7 pour que vous voyez si c'est la Bible, si vous y croyez. Moi, chaque parole qui est prise à l'intérieur, je crois. C'est pour ça que je me dis que je suis moi comme un bête. Si vous dites quelque chose, dès que ça sort de la Bible, je m'incline. Vous pouvez vous incliner devant les Écritures. Amen. Ok, lisons donc les Écritures. Amen. Si vous écoutez. Ne vous inquiétez de rien. Vous avez vu ça, frère? Amen. Qui a lu ça dans sa Bible? Ok, c'est la parmi vous, certaines personnes ont souligné, pas vrai? Amen. Je pose la question, pourquoi on peut te commander de ne pas t'inquiéter, mais tu t'inquiètes, ayant lu cela, ayant souligné? Je vous pose la question. On dit, ne vous inquiétez de rien. Donc, rien ne doit vous inquiéter. C'est pour ça que vous voyez les gens à 12 ans, vous voyez quelqu'un les rire derrière comme ça, rire. Quelqu'un plie le visage comme ça, tu dis, bonjour frère, ça va, tu entends d'abord, avant de commencer à parler, que tu joues le tube, la longueur de son tube, c'est la durée de ses paroles. La Bible dit, ne vous inquiétez, ce n'est pas la première fois. Jésus lui-même, dans Jean chapitre 4, il a dit, que votre cœur ne se trouble point. Qu'est-ce que ça veut dire en langage spirituel? Ça veut dire, Dieu est au courant, Dieu est au contrôle. C'est ce que ça veut dire. Il dit, que votre cœur ne se trouble point. Donc, aucune situation ne doit venir de l'extérieur pour créer la panique à l'intérieur de vous, même si vous voyez la réalité. Plusieurs fois dans cette maison, certains d'entre vous venez sur la maison chaque fois. Pourquoi lui et particulièrement elle, vous avez vu, mon garçon est tombé malade ici jusqu'à 40 degrés. Vous mettez la. Vous savez comment c'est pour mettre la thermomètre, 40 degrés, il vient là, il brûle carrément. C'est pas vrai. J'ai mon ami qui vient souvent ici, il vient comme ça là, il dit, il me regarde, il sort de l'île, il est tranquille, l'enfant est couché là. Il regarde l'enfant, il me regarde, il dit que c'est dans sa tête, c'est que celui-ci n'est pas normal. Parce que la médecine dit que 39 degrés là, il faut d'abord appeler le SAMU. Pas vrai? Non. Je ne suis pas conditionné par les façons de faire des hommes. Et c'est parce que vous me saisissez. Alors, il met la main, il prend la serviette, il laisse le train tranquille. Amène la putain, il prend l'enfant, il dit à ma femme, sortons pour amener l'enfant. Et je suis calme là, dans le coin de la personne, il lit la Bible doucement. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas donner le saut, vous ne pouvez pas en enlever. Si Dieu ne veut pas. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais au mieux de ce qu'il sait de la Bible que aucune situation ne doit venir perturber mon être à l'intérieur. Si vous dites, et là c'est tout le piège. Là c'est tout le piège. Vous prenez la bourse d'aller à la bas, on lui met quelque chose, il meurt là-bas, on le met à la mort. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'on est là-bas, on a injecté, on a fait une fausse parce que là c'est tout un agent du diable qui attend seulement ce moment-là. Pour que Satan entre dans lui pour le faire. Sans sourire. Alors c'est moi qui portais l'enfant pour le lire. Il meurt là-bas, en sa présence. S'il meurt, même si on dit que oh il est mort. S'il lisait le verset biblique, il finit d'abord de lire ce que je vais lire. Et puis il dit, qu'est-ce que vous dites là? Il est mort, il dit oui. Je me tourne là de ce côté, je dis, Seigneur, si telle est ta volonté, que ton nom soit glorifié. Je crois que vous me regardez comme ça, dit que quelque chose ne va pas chez toi. Mais c'est la Bible, ça. C'est la Bible. Vous voyez quelqu'un m'appelle à 1h30 de la nuit. Quelqu'un qui est vieille. À 1h30 de la nuit, c'est quoi? Frère, je vais voyager. Tu pars où? Il m'a dit au village, c'est quoi le problème? On dit que mon enfant est dans le coma. Tu pars pour le réveiller. Tu quittes, comme tu as entendu, à minuit. Tu prends la voiture à minuit. Si tu fais l'accident la nuit, la personne va se réveiller du coma, toi tu vas mourir. Mais si tu fais l'accident, tu peux être sur l'hôpital, il a de mourir. Tu vas faire quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Les êtres humains croient qu'ils peuvent aimer l'être humain plus que Dieu. Alors ils sont comme ça à 1h la nuit, en marchant comme ça, le bâton, d'autres pas comme ça, peuvent subir des agressions, peuvent entrer dans des situations parce qu'ils vont aller sauver quelqu'un. Alors que tu vas, bon, tu vas voyager, arriver là-bas, la personne couchée sur la nuit de l'hôpital, tu vas le réveiller. L'attitude de quelqu'un qui entend ce message, c'est Seigneur, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui donne et c'est toi qui reprends. prends contrôle de la situation. Tu tires la couverture sur toi, tu continues à dormir. Ça, c'est la meilleure attitude. Hein, frère? Amen. Amen, mesdames, tu veux dire que le gars, là, sa tête tient pas. La Bible déclare ici, ne vous inquiétez de rien. Parce que si vous arrivez sur la place, on ne peut pas réveiller la personne. On ne peut pas donner le souffle, ni retirer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer, il faut permettre à la personne qui peut le faire d'aller avant vous. Il faut permettre à cette personne-là, c'est lui qui doit aller. Alors, je suis ici, mais je suis en train de lire ma Bible tranquillement. Il me dit, waouh! Il me dit, le jour où il faut agir fidèlement, c'est dans ce qui est écrit. C'est alors que tu agis, que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est ce qu'on me dit de faire. Vous allez me dire, de faire, Satan fait bombe là-bas. La femme fait, je vais faire. C'est son problème. Il ne dit pas là que le problème, au nom de Dieu qui sort, jamais. Quand il vient de faire, je vais me dire ici, parce que la parole fait la joie de mon âme. Si Dieu dit que prie, je prie. C'est ça. Hein? La petite fille qui est ici un jour, elle était malade, elle était fatiguée. On allait dans la chambre. Allez, je me suis couché au lit. Le Seigneur me dit que c'est un démon qui est sur elle. On était couché là-bas. Vous savez, normalement, elle a agité. Elle était couchée là. J'ai dit, quoi? Elle dit, c'est un démon. Lève-toi, ordonne qui quitte. Je me suis levé et dit à cette femme, je t'ordonne de quitter de lui maintenant. Frère, vous savez, ces choses-là. L'enfant, sans que ça a quitté l'enfant, l'enfant s'est levé instantanément. Elle a dit, allons jouer. C'est un enfant que vous voyez. Mais elle était là comme ça, là. Je parle, donnez le parastamol. Donnez n'importe quoi, vous perdez votre temps. Il faut la direction du Seigneur. Alors, pour que ceci vous arrive, il faut que vous ne vous inquiétez pas. Et les gens qui me disent que je n'ai pas de cœur, parce qu'on annonce que frère Junior, tel est malade, il reste tranquille, vous n'avez pas compris. Tu as compris, il est bien entendu, je ne suis pas sourd. Ok, il est malade, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je me m'inquiète comme ça, le problème est là, la solution elle vient. Alors, lorsque je suis calme, je peux plutôt avoir la meilleure solution. Reste tranquille, ma soeur, ne t'inquiète pas. Comment je n'ai pas m'inquiété? La situation est là. C'est ici les hommes de foi. La réalité au-devant de vous, les circonstances en disent le contraire, mais vous croyez au Dieu qui change les circonstances. Parce que la question c'est, est-ce que la circonstance que nous voyons physiquement dans le spirituel, c'est ça? C'est parce que nous ne sommes pas arrimés avec le spirituel que tous les éléments naturels nous manipulent. Et par conséquent, la vie des fois des chrétiens du 21e siècle est conditionnée par les événements. On dit maintenant que c'est l'esprit de spiritualité. Chaque nuit, c'est Seigneur. Je sens l'esprit de spiritualité dans ma vie. L'esprit de spiritualité dit que je ne te connais même pas. C'est pas moi qui suis la cause de ton problème. Mais tu vas faire 12 ans comme ça, tu viens contre l'esprit de spiritualité. Alors que Dieu lui a dit, pause, pour qu'il vienne. Tu chasses, tu vas prier aux autres, tout ce qu'il faut, c'est la récitation. Alors, un essai, je suis en train de dormir. Dieu dit que c'est maintenant la situation. La situation est résolue. Qu'est-ce qu'il faut faire dans chaque difficulté? Il faut aller du côté du Seigneur. Et il te fait confiance. Si vous lisez le livre de Job, c'est ce que Satan a voulu faire à Job. C'est pas parce que Satan aime trop Job ou bien parce qu'il voulait le détruire. C'est parce qu'il voulait qu'il change sa confession et sa foi en Dieu. C'est pour cela. Alors qu'est-ce qu'il fait? Premier acte, il frappe le sacrifice. Parce que Job, chaque fois, quand il faisait n'importe quoi, il faisait le sacrifice. Voici l'élément qui peut faire de temps en temps que quand il verse le sacrifice, même si n'importe quoi, Dieu pardonne. Satan, c'est ça, premièrement, qu'il a frappé. Parce que Job ne peut rien aller offrir comme sacrifice. Donc il a créé le pont, il a brisé le pont qui liait Job à Dieu. Pas vrai? Tuer ses enfants, restez tranquille. Et chaque fois, remarquez bien, chaque fois qu'il fait quelque chose, il laisse une personne qui va venir donner la nouvelle. C'est pas Satan qui va le donner. Une autre personne qui le connaît, il coucou. C'est quoi? Tes enfants étaient en train de jouer. Le vent est venu ça, à la maison, ça a tué tous les enfants. Je me suis échappé seul. Il a fait le pont de échappé seul. C'est Satan qui l'a laissé. C'est un message de Satan. Il vient dire que je suis échappé, ça pour venir te dire. Donc Satan, dans sa grâce, a laissé celui-ci. Ce n'est pas lui la cible, c'est Job la cible. Job entend. La Bible dit que, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il n'a pas fini de parler qu'un autre est venu. Je veux qu'on regarde la cible, on essaie de vivre cela. Quatre personnes sont venues transmettre les mauvaises nouvelles au même moment. Si c'était vous, quand vous recevez le coup de fil, vous allez causer la personne rit. Il reçoit le coup de fil. Vous voyez son visage. Vous n'avez pas entendu ce qu'on a dit à le coup de fil. Le visage que la personne maintenant développe devant vous, comprenez que c'est une mauvaise nouvelle que la personne a reçue. Après, la personne reste comme ça, vous voyez, c'est un chrétien, il attache la bouche. L'aide de sa femme, c'est quoi? Les larmes coulent des bons moments. On a dit, ma mère est morte. Et puis quoi? Si votre mère est morte, et ça fait quoi? Et quoi que je ne sais pas trop du pas vrai? Il dit, même si c'est ta mère qui est morte, ça fait quoi? Tu vas la réveiller? Non. Il y a un enfant qui dit, wow, son mari est décédé, wow, laissez-moi mourir. On l'a laissé. On a fait le cercueil, on a mis sur le lit de mort. Là maintenant, on a coupé la lumière, on met les bougies. Maintenant, Vassali, on a mis le lit là sur les papiers, sur les petits papiers là, les petits cailloux. Un temps, ça a glissé. La main de la personne est toujours là, touchée comme ça. La personne qui crée depuis que laisse-moi, que laisse-moi venir mourir avec lui, quand la main là, comme ça, l'a touché, elle dit laisse-moi voir, c'est pas ce que tu fais. Tu vois, dans la main, on voit que c'est le caillou, le truc là s'est glissé et sa main est sortie du cercueil. Ça a fait comme ça, l'a touché. Elle dit ma personne, la personne qui pleure la journée, que je veux mourir avec toi, laisse-moi venir mourir avec toi. Parce qu'en réalité, c'est pas ça. On veut forcément pleurer pour que les gens sachent que non, non, on va aussi pleurer le deuil. La confession, c'est ceci. Ton mari, c'est pas toi qui l'as accouché. Il a grandi, c'est pas toi qui l'as grandi. Les événements malheureux sont arrivés dans la vie, Dieu l'a préservé. Si Dieu a voulu qu'il parle maintenant, c'est son temps, point. Ça, vous comprenez. Mais la Bible nous dit aux chrétiens que ne vous lamentez pas comme ceux du dehors qui n'ont pas d'espérance. C'est parce que la Bible déclare. Alors, ça veut dire que si je sais que j'ai l'espérance, et souvenez-vous de ceci. S'il arrive que je quitte cette terre, c'est avant que le Seigneur Jésus ne vienne. Ne pleurez pas le jour de mon deuil. Venez vous asseoir comme ça. Posez-vous seulement la question. Frère Junior est parti. Moi, je partirai où? C'est ce que j'attends de vous. Je quitte le corps si à n'importe quel moment, je retournerai auprès de mon père. Arrangez-vous seulement à ce que si vous me voyez coucher. De toute façon, si vous coupez mes pieds, mon pied qui est là-bas, ça ne peut jamais être coupé. Alors, si vous êtes devant ce cadavre-là, n'essayez pas de pleurer. N'essayez pas de chanter les cantiques. Quand on met comme ça que le cantique douce là pour pleurer, n'essayez pas de faire ces choses-là. N'essayez pas de faire cela. Posez-vous chaque fois la question, vous allez me regarder comme ça que Frère Junior est parti. Moi, je partirai. Posez-vous cette question. C'est ce que mon cadavre sera en train de vous interroger. D'accord? Alors, si quelqu'un n'a pas quelle difficulté, la difficulté n'est pas le problème parce que n'est pas la finalité. Parce qu'il n'y a aucune difficulté sur cette terre qui est permanente. Quel qu'en soit même l'handicap, Jésus a montré qu'il avait la puissance sur n'importe quelle difficulté humaine sur la terre. N'a-t-il pas ressuscité des morts? La mort, quel homme peut-il faire sortir quelqu'un de la mort? Il peut. Donc là où l'extrémité de la force humaine s'arrête, là commence pour le Seigneur Jésus. N'a-t-il pas ouvert le paralytique qui était né paralytique? Qu'est-ce que l'être humain pouvait faire? Ouvrir les yeux des malades, des aveugles. Ces choses, c'est la preuve que vous pouvez lui faire confiance dans tous vos besoins. N'est-ce pas? Amen. Alors c'est lui et c'est son esprit qui dit, ne vous inquiétez de rien. Donc quel que soit l'handicap que tu as, quelle que soit la maladie que tu as, ne t'inquiète pas. La chanson que les mondains font, que les docteurs font, les médecins font, les scientifiques font, cette chanson-là n'est pas ta propre chanson. C'est vraiment dit, c'est pas la prédication que tu dois recevoir. Vous devez faire confiance à la parole du Seigneur. Dans Jean, dans le livre de Jean, chapitre 28, le verset 20, si vous lisez, il y a deux questions subsidiaires là-bas. Une question, une autre question qui est relancée. Dans ce livre-là, Dieu challenge, dans ce livre de Jean, chapitre 28 particulièrement, Dieu challenge les scientifiques. Il dit, vous avez fouillé le sol, vous trouvez du cuivre, vous faites de l'électricité, vous mettez n'importe quoi à la lumière. Vous prenez de l'or, vous en purifiez. Il n'y a pas d'endroit où vous êtes allé, vous allez jusqu'à dans le puits au point où vous êtes suspendu dans le néant en bas. Puis il a posé une question dans ce verset 20 du chapitre 28 de Job. Il dit, mais la sagesse, où est son chemin? Donc faites la recherche scientifique pour avoir le doctorat en sagesse, on voit. Il dit l'intelligence. Sa demeure, c'est où? Et il puis il dit en intelligence. C'est ce que vous comprenez. Après, il dit, au verset 28, de ce chapitre 28 de Job, il dit que quand Dieu a manifesté tout cela, on a vu la sagesse manifeste. Quand il a fait tout son œuvre, il a donné les lois à la pluie, donné les lois à telle ou telle chose, fixé les bornes qu'on n'a pas dépassées, quoi les eaux. Il a donc fait comme ça manifester la sagesse. Voilà la sagesse. Puis il dit à l'homme dans Jean, dans ce Job 28, il dit qu'en réalité, il donc dit à l'homme que voici ce que la sagesse. La crainte de l'éternel, c'est la sagesse. Et la haine du mal, c'est l'intelligence. Il faut avoir le doctorat pour comprendre, c'est le doctorat de Dieu. Pour comprendre ces choses aussi simples. Alors, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en certaines choses, nous sommes dans Philippiens 4, dans le verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais dans certaines choses, faites connaître vos... Comment, frère? En toutes choses. Pas d'exception. C'est ce qui est écrit chez vous. Hein? En toutes choses. Non, mais attends, il dit dans ma version. Ne vous inquiétez de rien. Mais en certaines choses, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est pas ce qui est écrit chez vous. Qui a la même version que moi? Attendez. Ne vous inquiétez de rien. Mais en certaines choses, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est ça? Non. Qui a ça dans sa version? C'est ma seule version ici. Il dit qu'en toute chose, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de problème petit que Dieu puisse résoudre. Il n'y a pas de problème grand que Dieu ne puisse résoudre. N'importe quoi. Remarquez très bien, Ça veut dire que les gens maintenant ne comprennent pas ces petites choses. Quand ils disent certaines choses, vous réagissez, réagissez de la bonne façon. Donc quand vous avez ces problèmes-là, quand vous avez des problèmes, normalement, avant de faire un pas, prier, soumettez cela à Dieu. Parce qu'elle dit, en toute chose, faites connaître d'abord le besoin à Dieu. Il dit par des prières, c'est ça? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Quand tu finis de prier, tu supplies Dieu et puis tu dis, Seigneur, je te remercie, les actions de grâce. Vous me suivez? Le matin, quand tu te lèves, prenez un jour, quand tu te lèves, ah, 6h, oh, les embouteillages vont être aujourd'hui. Tu es où? Il faut qu'ils sortent vite. En route, pour ceux qui font ce signe de croix, que Dieu va comprendre que tu es en retard. On fait le signe de croix en courant rapidement. Donc, Dieu est réel. On a plus peur de ce qu'on va dire au travail que Dieu. Et Dieu permet qu'il y ait des embouteillages, que tu viennes en retard, on te punit par rapport à l'accident que tu partais rapidement, tu devais faire. Si tu fais cet accident-là, tu n'arriveras jamais au travail. Ah vrai? Ouais. Rendons grâce à Dieu. Fais-moi encore les yeux. Rendons grâce à Dieu pour tous les détails, toutes les choses qu'il fait dans nos vies, chaque fois, les petites et les grandes qu'il fait et que nous ne connaissons pas. La protection, les travaux, ainsi de suite, les visitations. Père, nous te sommes reconnaissants maintenant. Nous te sommes reconnaissants maintenant. Dieu, les bienfaits que tu fais dans nos vies. Nous ne nous comptons pas sur nous-mêmes. Dieu du ciel, Dieu de gloire, très souvent, tu nous as sauvés. Tu nous sauves et tu nous délivres tous les jours. Tous les jours. Et on n'en est pas conscient. Tu exerces des jugements contre nos ennemis. Nous n'en sommes pas conscients. Tu nous sauves et tu nous délivres. Tu veilles sur nos vies. Dans notre famille, tu pourvois nos besoins. Tu nous protèges des traits de l'ennemi. Des pièges et des filets de l'ennemi. Nous n'en sommes pas conscients. Et nous nous vantons d'être robustes, d'être forts. Nous parler. Nous réussissons dans notre travail par ta force, par ta seule volonté. Les satanistes nous rencontrent sans que nous soyons au courant, mais tu nous protèges. L'ennemi tente dans nos vies pour nous détruire, mais toi tu ne permets pas dans le monde des ténèbres de nous avoir le dessus sur nous. Et très souvent nous nous vantons parce que nous avons dormi et nous sommes réveillés. Daigne nous pardonner pour cette incrédulité, pour ce manque au Dieu de gloire, de foi envers toi, pour cette ingratitude, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce, donc, Père, pour ce moment. Donc, merci, Seigneur de gloire, pour nous, la grâce que tu nous donnes de connaître ces choses. Merci, Père, que ton nom seul soit élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen. Le verset 7 dit, après avoir dit au chapitre 4, le verset 6, il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et puis les actions de grâce. Puis le verset 7 dit, et la paix de Christ qui surpasse toute connaissance gardera vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand après avoir prié, tu vas te lever, il se pourrait que tu vois encore la situation se tenir là. Mais malgré cette situation physique qui sera là, cette réalité, vous aurez la paix pour montrer que Dieu est sous le contrôle du Seigneur. Vous avez suivi cette preuve? Amen. Vous êtes prêts maintenant, compris? Amen. Fermez donc la Bible alors. Il est quel heure? 9h30. D'ici, mais c'est combien de kilomètres? J'espère qu'il n'y aura pas les embouteillages. Nous tous sommes priants, on dérange. Ou bien, attendez. J'ai pris, j'ai raté l'émission, ou je vous laisse d'abord, je pars à l'émission. On sera en plus dimanche. Comment faire? Il y a des hommes qui attendent. C'est comme ça qu'on dérange dans Dieu. Vous avez voici deux propositions. Ils sont côte à côte. Regardez-les. Ils sont côte à côte. Celui qui construit sa maison, il construit sa maison. Lui, il a son habit qu'il a lavé. Il veut que le soleil sèche. Celui-ci veut sortir. Il dit que je viens mon champ pour qu'il pleure. Il prie à Dieu que Seigneur fait qu'il pleure. Celui-ci dit que Seigneur, mon habit pour que ça sèche. Pour le soleil. Voilà. C'est comme ça qu'on dérange Dieu. Donc il demande que je vais à la radio, mais il ne veut pas. Lui dit qu'on prie ici. Non, il reste ici. Celui-ci dit qu'il va à la radio. Maintenant, il fait quoi? On présente au Seigneur. On présente au Seigneur pour voir. On présente au Seigneur. Non. Seigneur, la situation, s'il va à la radio, oui, il reste ici. Attendons donc. Alors. Hein? Alors, souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous. Vous êtes sous son influence maintenant. Vous avez un rôle à jouer. Je veux que vous... Levons, on va prier. Je vous ai dit que je vais vous mettre sous son influence. Là où vous êtes, vous connaissez les situations. Je crois que vous... C'est serré la vraie question. C'est serré comme ça. Mais là, on dit parce que c'est fort. Il se pourrait qu'on commence maintenant, minuit trouve ici, parce que je sais ce qu'il en est là maintenant. Il veut vous mettre sous son influence. Quels sont les problèmes qui vous traversent? Vous les connaissez, n'est-ce pas? On a vu dans la Bible maintenant qu'il n'y a aucune situation que Dieu ne puisse compatir à nos besoins. Alors, il y a nos faiblesses. Alors, c'est à nous de nous approcher de lui avec foi, en croyant qu'il existe. Maintenant, dans la Bible, on a vu des gens qui... Il y a une femme dans Matthieu, chapitre 15, qui est venue vers Seigneur Jésus-Christ, qui a dit que Seigneur, ma fille est tourmentée par le démon. Cette femme-là était face à face avec Jésus. Sa fille n'était pas présente là-bas. N'est-ce pas? La personne qui était tourmentée par le démon était dans sa maison. Puis quand le Seigneur a accepté sa requête, il a dit qu'à cause de cette fois-ci, va ta fille. On dit, et le démon sortit à lui-même. Le Seigneur qui n'est pas allé vers le démon pour dire, je te donne de sortir. Comme il a dit que pas cette fois-ci, c'est sorti à lui-même. L'enfant a été délivré là-bas. C'est pour dire quoi? C'est ta foi qui est le problème. Il a rencontré quelqu'un qui était malade. Oh, Bâtiment, Seigneur, un petit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour vous? Donc c'est à ta demande. Je veux voir. S'il lui demandait que je veux 4 millions là, il lui donne 4 millions parce qu'il a dit qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Quand il a rencontré Salomon, quand il était dans la lumière, il a dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Salomon a dit que non, il y a le peuple nombreux, je demande à Salomon de les guider. Donc comme tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, ni de l'argent, ni de la gloire, je te donne ce que tu as demandé, la sagesse, de toute la personne, et je donne en plus de cela, le bonus. D'entendre cela, n'est-ce pas? Ça va donner une bonne chose. Alors, c'est ce que tu veux. Vous voulez quoi au juste ce soir? Souvenez-vous de la parole du Seigneur Jésus-Christ, rien n'est impossible à Dieu. Même votre mentalité, il faut que ça change. Parce que même si tu pries, tu goûtes, est-ce que ça dérange? Est-ce que ça dérange? Même si Jésus-Christ dit que tu es guéri. Pierre a dit à quelqu'un que lève-toi et marche. Il n'a jamais marché, mais on lui dit lève-toi et marche. La Bible dit que quand il regardait Pierre comme ça, que celui-ci il est fou ou quoi? Moi je n'ai jamais marché, il dit lève-toi et marche. Pierre a pris sa main, il a levé, ses pieds sont sortis. Tant qu'il restait au sol, son pied ne sortait pas, mais dans le spirituel, c'était réglé. Vous avez des problèmes, pas vrai? Vous avez des problèmes. Mon problème en réalité, mon seul problème que j'ai dans le monde ici maintenant, c'est l'église. Je veux que tout le monde soit connecté au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il y ait monde de travail pour les prédicateurs. Alors, d'accord frère, vous avez quel problème? Vous savez le problème que vous avez, n'est-ce pas? Fermez seulement les yeux maintenant, présentez le problème doucement, sans que même le voisin, ton voisin ne soit au courant de cela. Présentez seulement au Seigneur. Moi, je vais prier pour vous, je vais vous mettre sous cette influence, d'accord? Vous avez des problèmes, vous connaissez, Dieu connaît les problèmes avec lesquels vous êtes venu ce soir. Souvenez-vous, tout est possible à celui qui croit. Père, ils sont sous ton influence maintenant. Je les place sous ton influence. Je place leurs démons sous ton influence. Il est écrit, Père de gloire, dans ta parole, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Père, par la foi, dans ton nom, je impose les mains sur chacun d'eux. Et je les place sous ton influence et sous ton esprit. Que ton esprit prenne le contrôle de chacune de ces choses là au Dieu de gloire qui les dérange. Tu connais les requêtes. Il n'est pas dit qu'au Dieu de gloire qu'on vient se plaindre chez les prédicateurs. Mais c'est vers toi qu'on doit décharger. Et décharge au Dieu de gloire avec ce peuple-ci tous les soucis sur tes mains. Pour ceux qui ont le problème de santé, Père de gloire, aient un regard favorable et aient la main de guérison dans leur vie. Père, tu connais chacun ici. Il les place sous ton influence, Père. Dirige leur cœur, dirige leur âme, dirige leur corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tu les soumets maintenant. Et soumets leur âme, leur corps, leur esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ordonne à la bouche des vindicatifs de l'ennemi dans leur vie de s'arrêter maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à Satan, à tout ce qui sont influents dans leur vie de cesser maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je mets place sous ton influence maintenant, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Couvre-les avec l'ombre de tes mains maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui sont de haut Père de gloire, touche-les maintenant. Ceux qui nous écoutent de part d'autre, Père, touche-les maintenant alors qu'ils nous écoutent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te touche maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il te touche maintenant. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Que lui-même, il te touche maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Veuille saluer ton voisin. Veuille saluer ton voisin. Je vous ai placé maintenant sous son influence. Sous son influence. Sous son influence, sous son influence, sous son influence, sous son influence. Que Dieu vous bénisse. Amen. j'ai appris à pardonner, car la guérison est dans le pardon. Car la guérison est dans le pardon. Malgré la douleur et la souffrance, j'ai appris à pardonner, car la guérison, pardonner, c'est dans le pardon. Car la guérison, pardonner, c'est dans le pardon. C'est difficile de pardonner quand on a mal, quand on a été trahi par ce qu'on a aimé, quand on a été déçu par ce qu'on estimait. Et pourtant c'est le pardon qui te guérira. Et pourtant c'est le pardon qui te guérira. Malgré la douleur et la souffrance, j'ai appris à pardonner. Sur la croix, il faut pardonner. Comme Jésus-Christ, dis-toi qu'ils ne savent pas simplement ce qu'ils ont. Malgré la douleur et la souffrance, j'ai appris à pardonner. Car la guérison, pardonner, c'est dans le pardon. Pardonner, car la guérison, pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner.